응? Allô, oui? Salut Antoine, t'es où? Salut, je suis à Bruxelles pour le week-end. Super! Et qu'est-ce que tu fais? Écoute, je suis à la terrasse d'un café sur la Grand Place et je suis en train de déguster une excellente bière belge. Bon, profite bien de ton week-end alors. Et je te rappelle lundi. Ok, salut Hélène, à lundi! 2. Allô? Laurence? C'est Lucas. Ah, bonjour. Alors, tout se passe bien? Oui, c'est vraiment génial. Je suis en train de me promener dans les petites rues du centre. Il fait super beau. Et les enfants? Les enfants? Ils sont en train de visiter le musée de la BD. Ah oui, c'est bien. Bon, je vous embrasse tous et à mardi. À mardi, d'accord. Et je n'oublierai pas de te rapporter des chocolats belges. C'est sympa, merci.